444 jours. Ils sont restés otages 444 jours. 52 diplomates américains, retenus par les Pasdaran, les étudiants révolutionnaires iraniens fanatisés par leur guide, l'ayatollah Khomeini. Une opération sans précédent, bafouant toutes les lois internationales et qui va révéler au monde la réalité du nouveau régime iranien. Une opération symbolique, puisque les intégristes chiites, à peine arrivés au pouvoir, défient l'Occident et les États-Unis. À cause d'eux, ou grâce à eux, Ronald Reagan battra Jimmy Carter lors des élections présidentielles de 1980. Dans le même temps, l'armée rouge envahira l'Afghanistan et l'Irak entrera en guerre avec l'Iran. Mais pourquoi M. X a-t-il choisi de me parler de cette affaire vieille de 20 ans? Pour au moins deux raisons, toutes les deux étonnantes. D'abord parce que la France et les services de renseignement français y ont été impliqués. Ensuite, parce que cette affaire dissimule encore bien des secrets et a donné lieu à des manœuvres politiques tortueuses qui ont joué un rôle éminent dans les bouleversements qu'a connu le monde dans les deux dernières décennies. Un rappel, c'est le 4 novembre 1979, 9 mois après le retour de l'ayatollah Khomeini en Iran, que plusieurs centaines d'étudiants envahissent l'ambassade américaine à Téhéran. Le personnel diplomatique, qui comprend une soixantaine de personnes, est pris en otage. Les étudiants demandent en échange de leur libération que les États-Unis leur livrent le chat qui se trouve alors à New York où il est soigné pour un cancer. Il mourra d'ailleurs quelques mois plus tard en juillet 1981. Initiative spontanée des étudiants? À l'évidence non. Les Pasdaran, comme on les appelle, ont obéi à l'ayatollah Khomeini. Khomeini qui va profiter de cette affaire pour éliminer les laïcs et les modérés qui sont encore au pouvoir en Iran. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En Iran, il faut tout de suite le dire, les Américains n'ont pas fait preuve d'une très grande lucidité. Pourtant, ils étaient un peu chez eux, non? Oui, vous avez raison. Depuis le renversement de Mossadegh au début des années 50, le Shah n'avait rien à refuser aux États-Unis. Son armée, la plus puissante de la région, était largement américanisée. Ouais, c'est-à-dire pourvue de matériel américain. Oui, elle était aussi inspirée par le commandement américain. Quant à la police secrète du régime, la sinistre SAVAK, elle entretenait des rapports étroits avec la CIA. Ouais, donc les Américains étaient parfaitement informés de ce qui se passait là-bas. Eh bien non. Ah. Aussi paradoxal que cela paraisse, les États-Unis n'ont pas vu venir la montée en puissance de Khomeini. Alors comment expliquez-vous ça? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est évident, la CIA surveillait les mouvements marxistes et le grand voisin soviétique. C'était la priorité. Ensuite, les Américains avaient confiance dans les forces de sécurité iraniennes. Il ne faut pas oublier que tout au long de l'année précédente... En 78, donc. Hein. Oui, des troubles avaient éclaté un peu partout dans le pays. Et l'armée, sur l'ordre du Shah, avait réprimé dans le sang ces manifestations. Oui, il y a eu des centaines de morts. Hein. Peut-être même plus. Ouais. Donc les Américains pouvaient penser que le Shah contrôlait la situation. Exactement. Mmh. Mais il y avait pourtant un élément qu'ils sous-estimaient, ou qu'ils ignoraient peut-être purement et simplement. C'était la maladie du souverain iranien. Le Shah avait un cancer, et le traitement qu'il subissait amoindrissait ses capacités à décider. Il faut en effet rappeler que les islamistes ont balayé le gouvernement iranien sans avoir besoin de tirer un seul coup de feu. Parce que l'armée n'a jamais reçu l'ordre de riposter? Si. Il y a d'ailleurs eu des affrontements sanglants fin janvier 79, mais ça s'est arrêté là. Le Shah était déjà parti à l'étranger. Et dès le retour triomphal de Khomeini, le 1er février, le régime s'est écroulé sans que l'armée intervienne. Alors qu'elle aurait pu réprimer les insurgés? C'est probable. Enfin, l'ordre n'est pas venu. Il y avait enfin une dernière raison qui explique pourquoi la CIA s'est trompée. Ces analystes n'ont jamais envisagé qu'une opposition religieuse puisse constituer une force politique. C'est vraiment de l'aveuglement, là. Je sais que ça peut étonner, mais enfin, c'est pourtant la vérité. Et cet aveuglement, comme vous dites, était d'autant plus grave que pour Khomeini et les siens, leur opposition au Shah était d'abord dirigée contre l'Amérique. À cause des rapports étroits que le Shah entretenait avec les États-Unis. Bien sûr. Pour les religieux, c'était une créature de la CIA, ni plus ni moins. Dans ces conditions, il était clair que dès qu'ils arriveraient au pouvoir, ils s'en prendraient aux intérêts américains. Et c'est ce qui s'est produit très rapidement. Dès la mi-février, des centaines de manifestants envahissent l'ambassade américaine. Mais cette occupation ne dure que quelques heures. Ouais, c'est une sorte de répétition. Oui, à l'époque, les partisans de Khomeini ne sont pas encore tout puissants. Ils doivent compter avec les laïcs. Mais à Washington, on ne semble toujours pas comprendre ce qui se passe vraiment en Iran. Le président, c'est Carter. Hein. Carter, oui. Enfin, Carter qui, au fond, ne doit pas être mécontent du départ du Shah. Est-ce qu'il réprouvait ses méthodes? Je le pense. La féroce répression de 1978, les massacres l'ont choqué. Et le président américain essaie tout de suite de composer avec le nouveau pouvoir, sans vraiment comprendre sa nature et sa farouche hostilité aux États-Unis. C'est ainsi que l'administration américaine engage même des négociations avec les Iraniens pour leur fournir plusieurs milliards de dollars d'armement. On a souvent accusé Jimmy Carter de naïveté. Oui, non, sans raison, c'est vrai. Mais personnellement, moi, je n'oublie pas que Carter a quand même été l'artisan des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël. Et ça, personne ne pourra le lui retirer. En tout cas, c'est vrai, dans l'affaire iranienne, Carter s'est trompé. Et lorsque fin octobre, il accepte pour des raisons humanitaires que le Shah vienne se faire soigner aux États-Unis, Roméni saute sur l'occasion. 15 jours plus tard, l'ambassade américaine est à nouveau occupée. Oui, mais les Américains devaient pourtant être quand même sur leur garde. Bien sûr. Il y avait quelques marines chargées d'assurer la protection du bâtiment, mais que pouvaient-ils faire contre des centaines de jeunes gens qui ont donné l'assaut? Et ces jeunes-là, c'est qui? Ce sont des étudiants, ou des pseudo-étudiants. Ils s'appellent eux-mêmes les gardiens de la révolution. Les fameux Pasdaran. Oui, des intégristes qui vont bientôt faire la loi dans les rues de Téhéran et imposer la charia, la loi islamiste. Et que veulent-ils exactement alors en occupant? Ils veulent que les États-Unis leur livrent le Shah, mais accessoirement, ils ont un autre objectif. Quoi? Pour les gardiens de la Révolution, mais aussi pour les religieux, cette ambassade américaine est un nid d'espions. C'est l'expression consacrée. Par conséquent, en envahissant l'ambassade, ils espèrent bien, eux et ceux qui les ont envoyés, récupérer des documents. J'imagine que les papiers ont dû être détruits au cours de l'assaut par les Américains eux-mêmes, non? C'est exact, ils ont été lacérés. Mais tous les morceaux vont être intégralement récupérés. Et certains documents seront reconstitués. Une moisson très intéressante pour les nouveaux services secrets iraniens. J'ajoute que cette occupation de l'ambassade américaine permet aussi à l'ayatollah Khomeini de se débarrasser du chef du gouvernement. De quelle façon, là? Mehdi Bazargan et beaucoup d'autres hommes politiques issus de la révolution désapprouvent cette opération qui bafoue tous les usages diplomatiques. Mais comme le guide de la révolution Khomeini lui-même l'approuve, Bazargan est contraint à la démission. L'ayatollah renforce donc encore un peu plus son pouvoir. Le personnel diplomatique américain est donc pris en otage. Et comment ça se passe à l'intérieur? Sans violence. Et symboliquement, des femmes, mais surtout des noirs, vont être rapidement libérés au nom de la lutte anti-impérialiste. Et à Washington, alors, comment réagit-on après cette gigantesque prise d'otage? Car ils seront combien? Une cinquantaine à être détenus, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Eh bien, à Washington, on est d'abord hésitant. Avouez que c'est une situation inédite, jamais vue. Les États-Unis sont ridiculisés, humiliés, et que peuvent-ils faire? Pour Carter, mais c'est aussi le sentiment général des Américains, il ne peut être question de livrer le Shah, d'autant qu'il est gravement malade. Et pourtant, le Shah finira quand même par quitter les États-Unis? Oui, c'est juste, il partira pour l'Égypte. Mais Carter ne peut pas donner tout de suite l'impression de céder. J'ajoute, et c'est très important pour la suite de cette histoire, que cette prise d'otage provoque un choc considérable dans l'opinion américaine. Les images diffusées par les télévisions sont intolérables. Les otages ont les yeux bandés, des ordures sont transportées dans le drapeau américain. Alors quoi faire? La première réaction de Carter, c'est d'ailleurs son inclination naturelle, c'est de tenter de négocier. Oui, mais négocier avec des preneurs d'otages, c'est prendre le risque d'une nouvelle humiliation. Oui, c'est ce qui va malheureusement se passer. Carter envoie deux hommes en Turquie. Qui? Un ancien ministre de la Justice et un haut fonctionnaire. Les Américains se sont d'abord assurés de l'accord du Conseil de la Révolution iranienne. Mais ces deux émissaires vont faire antichambre. Khomeini en personne intervient et interdit tout contact avec les Américains. Donc la négociation ne peut pas s'engager. Et c'est l'épreuve de force. De part et d'autre, on va se livrer à des manœuvres de rétorsion. Washington expulse les Iraniens en situation irrégulière, ou gèle les avoirs iraniens aux États-Unis, tandis que Téhéran suspend ses exportations de pétrole à destination de l'Amérique. Mais selon vous, que cherche vraiment Khomeini? Cette spectaculaire prise d'otage, c'est une formidable caisse de résonance pour la révolution iranienne et l'islamisme. Donc une opération de propagande? Bien sûr. Et si l'opinion occidentale se déchaîne contre Khomeini dans les pays du tiers-monde, et surtout dans les pays musulmans, on observe avec sympathie ou amusement le défi que les Iraniens ont lancé à la superpuissance américaine. Alors de plus en plus, les États-Unis commencent à penser à une opération militaire. Et c'est là que nous, Français, nous allons jouer un rôle. La documentation française a consacré un dossier très complet à la prise d'otage de Téhéran. Son auteur, Nouchin Yavari Delcourt, souligne qu'après l'échec de la première tentative de négociation, les États-Unis ont pensé à demander à Yasser Arafat d'effectuer une mission de bons offices. Arafat, qui était pourtant alors la bête noire des Américains, puisque ceux-ci s'étaient engagés par écrit auprès de leurs alliés israéliens à n'avoir jamais aucun contact avec le leader palestinien. Mais Khomeini refusera cette tentative de médiation qui ne sera pas la seule. Je cite Nouchin Yavari Delcourt. Les contacts directs avec l'administration américaine devenus tabous, la recherche d'une solution négociée se poursuit cependant et les réseaux mis en œuvre vont bien au-delà des interlocuteurs traditionnels des États-Unis. Comme le note Raymond Aron dans l'Express du 24 novembre 1979, ni avec le prophète, ni avec la masse enivrée, les négociateurs de style classique ne promettent un dénouement prochain. de Kurt Waldheim à Sainte-Deux-du-Maroc, en passant par les gouvernements suédois et pakistanais, la communauté européenne et le Vatican, jusqu'au réseau personnel des acteurs politiques iraniens, les avocats français en particulier liés à Badi Sadr et Godzabé, pour avoir milité en France à leur côté contre le régime du Shah, le monde entier offre ses bons offices pour obtenir la libération des otages. Monsieur X a parlé du rôle des Français. S'agit-il de ses avocats ? Quand vous dites que les Français ont joué un rôle, ce sont les services. Exactement. Ouais. Donc Carter, malgré lui, pense à une opération militaire pour délivrer les otages de Téhéran. Et naturellement, il en charge la CIA. Ben, l'agence américaine a perdu la plupart de ses contacts en Iran. Après la révolution. Bien évidemment. Ouais. Des agents ont été arrêtés, d'autres ont dû fuir précipitamment. Alors, à l'initiative du patron du SDEC de l'époque, Alexandre de Maranche, les Américains prennent langue avec les services. Ouais. Parce que les Français, eux, avaient encore des agents en Iran. Oui. Ouais. Je pensais que si les États-Unis étaient le grand Satan, la France était le petit Satan. Elle le deviendra quand éclatera la guerre avec l'Irak. Et que nous aiderons les Irakiens en leur livrant des armes et des munitions. Tout à fait, ce qui d'ailleurs ne nous empêchera pas de fournir aussi clandestinement les Iraniens. Enfin, nous en avons déjà parlé. Donc, pour revenir à notre affaire, la CIA fait appel à nous. Ouais. Et c'est vrai que nous avons recueilli des informations très intéressantes. Par exemple, nos hommes là-bas surveillent les faits et gestes de Khomeini. Et ils ont même pu le filmer lorsqu'il se rend régulièrement dans la ville sainte de Côme. Alors, qu'est-ce qui est préparé là ? Une opération très audacieuse, l'enlèvement de Khomeini. Ah, pas moi ? Non. Le plan prévoit qu'un commando héliporté s'empare de la personne de l'ayatollah lorsqu'il se trouve à Côme. Puis on le transporte sur un bateau américain qui croise au large des côtes iraniennes. Et ensuite ? On l'échange contre les otages de l'ambassade. Est-ce que cette audacieuse opération vous paraissait, possible ? Oui, oui, oui, les gars de la CIA, aidés par une unité antiterroriste de l'armée américaine, avaient vraiment bien préparé leur coup. Alors pourquoi a-t-on renoncé ? Mais Carter, au dernier moment, a refusé de donner son feu vert. Mais pour quelle raison, là ? Il a dit, ça ne s'invente pas, qu'on ne pouvait pas faire ça à un ecclésiastique de son âge. Un ecclésiastique qui était aussi à prendre en otage. Je sais, mais enfin Carter était ainsi fait. Ouais. Pourtant, si mes souvenirs sont exacts, les Américains vont quand même tenter une opération militaire. C'est juste, et encore une fois, grâce à nos informations. Nos agents en poste à Téhéran avaient en effet noté que la nuit, l'ambassade américaine était assez mal gardée. Par conséquent, un assaut était peut-être possible. Oui, oui, oui. Et ça va être ce raid raté là. Oui, le raid de Tabas, du nom de l'endroit où devaient se poser les hélicoptères des commandos de l'unité antiterroriste, afin d'y être ravitaillés en carburant. Et pourtant, je vous l'assure, l'opération avait été très bien préparée. Alors, dites-moi quel était le plan retenu. Les hélicoptères, qui étaient basés sur un porte-avions américain, devaient se poser à proximité de l'ambassade. Et pourquoi pas dans le parc même de l'ambassade ? Parce que les Pasdaran y avaient planté des poteaux pour empêcher justement des hélicoptères de s'y poser. Et grâce à nos renseignements, grâce aussi aux observations de leurs satellites, les Américains avaient très bien repéré les lieux. Mais il y avait une difficulté. Les hélicoptères ne disposaient pas d'une autonomie de vol suffisante pour faire l'aller et retour entre le porte-avions et l'ambassade. Ouais, donc les ravitailler. Oui, mais un hélicoptère ne se ravitaille pas en vol. Il leur fallait donc se poser. Et les spécialistes de la CIA, toujours grâce aux satellites, avaient repéré un endroit plat et désert à 350 km de Téhéran. À Tabas, donc. Oui. Mmh. L'endroit paraissait suffisamment grand pour que des C-130 bourrés de carburant puissent s'y poser. Seulement, auparavant, il fallait s'assurer au sol que le terrain était fiable et pouvait recevoir des avions aussi gros et aussi lourds. Et là encore, ce sont les Français ? Non, non, non. Ah. Là, c'est une équipe de la CIA qui a réalisé ce repérage au cours d'un raid particulièrement audacieux. Ouais. Et vous avez dit que la CIA n'avait plus d'agents en Iran ? Ah oui, aussi, ils ont conçu une opération aérienne. Un petit avion s'est posé de nuit à Tabas. Les types de la CIA ont inspecté les lieux et ils ont même pris la précaution d'enterrer des balises pour guider les C-130 et les hélicoptères. Puis ils sont repartis comme ils étaient arrivés, sans donner l'éveil. Mmh. Alors, avec de telles précautions, comment expliquer le ratage de l'opération ? Ben d'abord, il y a eu des pannes. Certains des 8 hélicoptères prévus n'ont pas pu arriver à Tabas. Et sur place, le responsable du commando a pris la décision d'annuler l'opération. Mais alors qu'il redécollait, un des hélicoptères a soulevé un vent de sable et le pilote aveuglé est allé percuter un des C-130. Oui, ça a été l'explosion. Immédiatement. Le résultat, c'est que 3 appareils ont brûlé et que plusieurs hommes ont péri. Et politiquement, ça a été aussi un désastre. Bien sûr. L'administration américaine, assez injustement, était une fois de plus ridiculisée. Sans compter qu'après cet échec cinglant, il n'était plus imaginable pour les Américains de tenter une opération militaire. D'autant que les Iraniens, après cette affaire, ont dispersé leurs otages. Mmh. Puis il y avait, ça compte, hein, il y avait la perspective des élections présidentielles aux États-Unis. Naturellement, le désastre de Tabas a eu lieu fin avril, si ma mémoire est bonne, et l'élection qui devait opposer Jimmy Carter au républicain Ronald Reagan était fixée début novembre. Nous allons en reparler. En attendant, les Iraniens triomphaient. C'était une nouvelle victoire sur le grand Satan. Oui, et la presse de Téhéran en a même rajouté en affirmant que ce raid de Tabas n'était que le prélude à la préparation d'un coup d'État fomenté par les États-Unis. Après Tabas, il ne reste plus, j'imagine, qu'à essayer une nouvelle fois de négocier. Mais dans quelles conditions? Car à Téhéran, le régime ne fait que se durcir. Aux élections, les intégristes triomphent et Roménie se sent plus fort que jamais. On est pur dans l'armée, dans l'administration. Et on traque la cinquième colonne américaine comme on ne cesse de l'écrire dans la presse. Oui, et la mort du chat se situe peu de temps après. Oui, en juillet. La revendication des gardiens de la révolution tombe alors. C'est vrai, mais les Iraniens vont en trouver rapidement d'autres. Essentiellement des revendications financières. Et quoi par exemple, le dégel des avoirs iraniens aux États-Unis? Bien sûr, et il y en a semble-t-il pour des milliards de dollars. Les Iraniens demandent aussi que toutes les plaintes déposées contre eux à l'occasion de la prise d'otage de l'ambassade ou encore à cause de la révolution islamique soient abandonnées. Enfin et surtout, Téhéran exige que la fortune du Shah soit restituée à l'État iranien. Et là, c'est beaucoup plus délicat. Bien entendu, parce que ça veut dire que le gouvernement américain doit confisquer les biens du Shah, de sa famille, qui se trouve aux États-Unis, afin de les remettre à Roménie. Et devant ces exigences-là, comment Washington réagit? Les demandes iraniennes semblent déraisonnables. Aux États-Unis, certains politiciens, comme Reagan, parlent même de rançon. Ouais, la demande de rançon. Pourtant, et là, je vais me faire l'avocat du diable, hein. Les Iraniens ne font que réclamer ce qu'ils auraient dû. Mais c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, en affirmant par exemple que la fortune du Shah, évaluée à presque 10 milliards de dollars, a été volée au peuple iranien. Mais ça, vous le savez, les Iraniens finiront par obtenir ce qu'ils veulent en janvier 1981. Et qu'on leur refuse en 1980. Oui, enfin, un événement va changer complètement la donne. En septembre, l'Irak attaque l'Iran. Et désormais, l'affaire des otages va prendre un aspect nouveau et permettre toutes les manipulations. R. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le rôle du SDEC dans cette affaire des otages est évoqué par deux auteurs, Roger Faligo et Rémi Koffer, dans leur livre sur les maîtres espions publié chez Robert Laffont. Ces mêmes écrivains donnent aussi des précisions sur le raid de Tabas préparé par un officier américain du nom de Beckwith. Commentaire. Pour effectuer le raid, il l'avoue très franchement aux alliés français du SDEC lors d'un séjour à Paris, il recevra les ordres de 12 autorités différentes, pas une de moins. Plus loin, Faligo et Koffer donnent une explication sur les raisons de l'échec de cette opération militaire. Pour ne prendre que cet exemple, mais il est de taille, les hélicoptères Sea Stallion du porte-avions Nimitz ne sont pas fiables du tout. Résultat, Beckwith, prudent, décide d'en mobiliser 6 quand 2 ou 3 suffiraient à condition qu'ils soient réellement opérationnels. Voilà bien le drame qui met à nu la faiblesse des grandes puissances au circuit de décision trop compliqué, aux lourdes bureaucraties rivales. Pays souvent prisonniers de leur propre degré de sophistication. À bord du Tirpitz, les Sea Stallion sont nettoyés au moyen de pompes-tuyaux aux jets puissants. Leur débit est tel qu'on doit utiliser l'eau de mer, qui détériore les mécanismes des hélicoptères. Telle est la vraie raison et non le sable des défaillances techniques qui attendent les Charlie's Angels. Le raid échoue, anéantissant tout espoir de récupérer rapidement les otages. Ses résultats sont catastrophiques. Catastrophiques pour Carter, bien sûr, mais aussi pour la CIA. Jamais l'image de l'agence n'a été aussi pitoyable. Enfin, je vous signale que dans un ouvrage paru chez Histoire et Collection, Les ailes de la CIA, le journaliste Frédéric Lert donne un récit très documenté de la préparation du raid de Tabas. J'imagine qu'après le déclenchement de la guerre avec l'Irak, l'affaire des otages va passer au second plan pour les Iraniens. Non, non. L'occupation du nid d'espions, comme disent les autorités, reste un puissant levier de mobilisation. Oui, mais attendez, vous m'avez parlé d'un aspect nouveau et même de manipulation. Tout à fait. Car il faut maintenant prendre en considération 2 éléments très importants. D'une part, l'Iran, pour se défendre, a besoin d'armes, de munitions et de pièces détachées pour son matériel. Un matériel qui était essentiellement américain. Oui. Donc, les Iraniens, s'ils veulent tenir tête aux Irakiens, sont donc dépendants des États-Unis. Et ils le seront de plus en plus si la guerre se prolonge. Et l'autre élément, alors C'est naturellement la proximité de l'élection présidentielle aux États-Unis. Or, plus le temps passe et plus cette affaire des otages empoisonne la scène politique américaine. J'ai encore en mémoire une déclaration du candidat républicain Reagan qui annonçait la création, s'il était élu, d'une commission d'enquête. Une menace directement adressée à Carter. Carter, dont la cote de popularité dégringolait dans les sondages. Alors il apparaissait évident que si le président en exercice arrivait à faire libérer les otages avant le début novembre, il aurait une bonne chance de l'emporter sur son adversaire. Ouais. Donc cette affaire était devenue un enjeu de politique intérieure. Oui, et très vite, l'entourage de Ronald Reagan a pris la mesure de l'importance de l'événement. Quand vous dites très vite... Avant même que le gouverneur de Californie ne soit désigné comme le candidat du Parti républicain. C'est-à-dire très peu de temps après la prise de l'ambassade de Téhéran. Exactement. Dès cette époque, deux émissaires sont envoyés secrètement à Téhéran. À une époque où Roménie, il faut le rappeler, interdit tout contact avec les Américains. Oui, mais l'un de ses émissaires est un ancien médecin, devenu un riche homme d'affaires, qui a noué de nombreuses relations en Iran. Il connaît en particulier le premier ministre nommé par Roménie. Mm-hmm. Et que donne cette mission-là? Le contact est établi, c'est ce qui compte. Mais surtout, cet ancien médecin établit une sorte de bilan des besoins militaires iraniens. Et il obtient une information capitale. Des officiers fidèles au Shah ont saboté un certain nombre de systèmes informatiques. Et seuls, les Iraniens ne sont pas capables de remettre en état ces logiciels. Ils ont donc besoin d'aide. C'est un moyen de pression. L'état-major de Reagan voit surtout là un moyen de préparer l'avenir. En vue de l'élection présidentielle. Bien sûr. Notez bien qu'au même moment, le candidat Reagan ne cesse de proclamer qu'on ne doit pas discuter avec des preneurs d'otages. Oui. Vous avez dit que ce contact avait été secret, mais pouvait-il avoir vraiment échappé à la CIA? Non. Et pour la bonne raison que certains responsables de la CIA étaient dans la confidence et avaient déjà pris le parti de Reagan. Contre Carter, donc. Bien entendu. Le prétendu pacifisme du président passait mal à la CIA. Et les plus durs des hommes de l'agence voulaient à tout prix se débarrasser de Carter. Est-ce que ces premiers contacts secrets avec les Iraniens se poursuivent? Oui, alors même qu'un nouvel homme vient d'apparaître dans l'entourage de Reagan, William Casey. Celui qui deviendra le patron de la CIA... Après l'élection de Reagan à la présidence, bien entendu. C'est lui, oui. Cet ancien de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, a été nommé directeur de la campagne du candidat républicain. Mis immédiatement au courant des contacts secrets établis avec les Iraniens, il réussit à convaincre un petit génie de l'informatique de faire très discrètement le voyage de Téhéran. Afin de réparer les systèmes sabotés. Oui. Ouais. Écoutez, n'employons pas de grands mots, mais enfin... Ça ressemble à de la trahison, non? Casey s'en fiche. Ce qu'il veut, lui, c'est faire gagner son candidat par tous les moyens. Seule l'efficacité compte. Et dans le duel qui va opposer Reagan à Carter, il apparaît essentiel à l'état-major républicain d'établir des relations de confiance avec les Iraniens pour préparer l'avenir. Oui, d'accord, mais quel est le vrai but poursuivi par ces hommes? N'allons pas trop vite. Le petit génie de l'informatique réussit sa mission et parvient à récupérer les données sabotées par les officiers fidèles au Shah. À peu près au même moment, Reagan est officiellement désigné par la Convention républicaine comme candidat du parti. Et les sondages le donnent vainqueur face à Carter. Les Iraniens peuvent donc supposer que Reagan sera leur prochain interlocuteur dans les négociations sur la libération des otages. Oui, mais ils ont aussi compris qu'ils seraient les maîtres du jeu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est Roménie qui peut désigner le prochain président des États-Unis. Et en décidant ou non de libérer les otages avant l'élection. Bien sûr. Par conséquent, les hommes de Reagan poursuivent plus que jamais leurs contacts secrets avec les Iraniens. D'autant que la guerre Iran-Irak vient d'éclater. Et que les Iraniens ont un besoin urgent de matériel militaire, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et désormais, pour l'état-major républicain, c'est une course contre la montre qui est engagée. Toutefois, afin que les contacts avec les émissaires de Téhéran ne soient pas trop voyants, les gens de Reagan utilisent des intermédiaires inattendus. Et inattendus, qui ? Les Israéliens, oui. Des Israéliens qui discutent avec les intégristes iraniens. Avouez que c'est surprenant. Ouais. Il faut faire vite, l'élection approche. Et à Téhéran comme à Washington, on parle de plus en plus d'une libération des otages avant fin octobre. C'est-à-dire juste avant l'élection. Et ces bruits sont fondés? Oui, le Parlement iranien semble décidé à faire libérer les otages. Des otages qui ne sont d'ailleurs plus dans les mains des étudiants, mais qui ont été remis au gouvernement. Quant à Carter, il semble décidé à accepter les revendications de Roménie et à lever les sanctions qui frappent les intérêts iraniens aux États-Unis. Et même à restituer la fortune du Shah aux Iraniens. Et pour Reagan, ça c'est une éventualité catastrophique. Assurément, c'est la défaite assurée. Mais soudain, tout se bloque. C'est ce qu'on a appelé, après coup, la surprise d'octobre. À Téhéran, on décide brusquement de sursoir à la libération des otages américains. Reagan est maintenant certain de l'emporter. Alors, que s'est-il passé? Ce n'est pas très difficile à comprendre. Les hommes de Reagan ont fait de la surenchère. Après les Iraniens. Et c'est la seule hypothèse. Mais Qu'ont-ils pu leur promettre de plus que ce que proposait déjà Carter? Ben, retarder la libération des otages et nous vous aiderons à acquérir des armes et des munitions. Après l'élection de Reagan. Bien entendu. Ouais. Une promesse, hein, mais enfin un homme politique bien de chez nous a dit que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Hein. Reagan, une fois élu, pouvait ne pas tenir cette promesse. Ah, impossible. Les Iraniens avaient des preuves de l'existence de ces tractations secrètes. Si le nouveau président n'avait pas tenu sa promesse, ils auraient fait éclater le scandale. Et d'ailleurs, nous l'apprendrons indirectement quelques années plus tard, lorsqu'éclatera le fameux Iran Gate, le scandale des ventes clandestines d'armes aux Iraniens via Israël, malgré l'embargo américain. Ouais, donc Reagan a tenu sa promesse. Évidemment, il ne pouvait pas manquer à celui qui l'avait fait roi. Les otages ont été libérés une demi-heure après l'entrée en fonction de Ronald Reagan. Faut-il y voir un signe? En tout cas, cette libération avait été précédée d'une longue négociation effectuée sous la médiation des Algériens. Et les États-Unis ont dû accepter toutes les conditions des Iraniens. Mais qu'en est-il de la réalité de ces tractations secrètes entre l'état-major de Reagan et le régime de Téhéran? Pierre Péan, dans son livre La Menace, paru chez Fayard, écrit « Bani Sadr, qui était président de la République islamique au moment des fêtes, affirme que deux ayatollahs ont négocié, à travers des intermédiaires, avec le staff du candidat Reagan, en échangeant l'humiliation de Carter contre de futures livraisons d'armes. Le même Bani Sadr pense que ces deux religieux ne sont autres que Rafsanjani et Behechti. » Deux autres auteurs, Fabrizio Calvi et Thierry Pfister, dans leur ouvrage « L'œil de Washington » paru chez Albin Michel, soutiennent la même thèse. Ils soulignent que la révélation des négociations secrètes et parallèles menées par les émissaires de Ronald Reagan et la date si particulière choisie pour la libération des otages font naître des soupçons et alimenteront le scandale de l'Iran Gate. Et les mêmes auteurs donnent les noms de deux personnages essentiels de l'affaire. L'ancien médecin proche de Reagan serait un certain Earl Bryan. Quant au petit génie de l'informatique, il s'agirait de Michel Riccono-Ciuto. Et ils écrivent « Dans le cadre des négociations secrètes menées avec les Iraniens durant l'année 1980 par des personnalités proches de Reagan, force est de relever que, selon son témoignage, les talents d'informaticien de Michael Riccono-Ciuto n'ont pas été utilisés seulement sur les disques durs des ordinateurs iraniens, il a aussi été chargé de pianoter sur ses chers claviers afin d'effectuer d'importants transferts de fonds, plus de 40 millions de dollars au profit d'un certain nombre d'Iraniens. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X et je vous rappelle que désormais vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.franceinter.com et vous pouvez nous envoyer aussi des messages.